yeux comme Danny Briand. Bla bla bla, fais pas le mec de la tête. Fais le son en direct de la part des apes. Tu veux ma vie, c'est dur, tu peux driver une hôtesse. J'suis là, j'attends, tu peux venir me test. Tu es plein de wesh wesh, qu'est-ce que tu fais, c'est la dèche. Et quand tu es dans le love, tu laisses ton frérot, tu le flèches. Bla bla bla, fais pas le mec de la thèse. J'fais le son en direct